soit abandonné de Dieu. Connais-tu un seul lieu où Dieu ne se soit pas toujours senti chez lui? Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Pour tous les gens dans la misère, il descendra sur terre pour eux. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Son cas est passé pour tous les croyants des beaux quartiers, des ghettos et des banlieues. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Pour tous les gens dans la misère, il descendra sur terre pour eux. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Son cas est passé pour tous les croyants des beaux quartiers, des ghettos et des banlieues. Tous enfants de la terre, faits d'un même. Je suis en mission sur la terre et comme tout, je suis que de passage. Et prends mon lyrics comme une prière et appelle-moi pyromane messager. Certains sont plongés dans la misère, dans la totale pauvreté. Tenez-moi, elle ne tarde que l'éternel, ça va pour l'égalité. Non, ça te tarde, je crie à l'âme, ce dernier crie à la guerre. En fait de pas d'un chien de ta création, my god, en es-tu fier? Ils s'entretuent, ils se massacrent entre mes dix mois. RCCC, la haine appelle à la haine. Et face à ça, que pouvons-nous faire? Des fois, je me demande où suis-je, bon Dieu, quel est cet univers? De vivre une vie paisible et impossible si tu n'as pas de revolver. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Pour tous les gens dans la misère, il descendra sur terre pour eux. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Son cas est massif pour tous les croyants des beaux quartiers, des ghettos et des banlieues. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Pour tous les gens dans la misère, il descendra sur terre pour eux. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Son cas est massif pour tous les croyants des beaux quartiers, des ghettos et des banlieues. Tous enfants de la terre, faits d'un même arbre, faits de la même manière. Enfant d'un même père, né de la poussière, je retournerai à l'état de poussière. Descendant de l'univers, né sous les mêmes étoiles, faisons tomber leurs barrières. Tous égaux face à la mort, nous retournerons à l'état de poussière. Rosebois, si tu veux sortir de la misère, c'est Babylon, système et gunshot qu'il faut faire taire. Ouvre les yeux, nous sommes tous que le passage sur cette terre. Et si t'es né poussière, malheureux, tu retourneras poussière. Je n'ai trop pressé par le système et confronté à Dieu durant. Des guerres urbaines explosent un peu partout dans la capitale. Ça tire à balles réelles, comme dans un western lors d'un duel. Mais dur de dire qui sortira vivant de ce combat mortel, Nidel. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Pour tous les gens dans la misère, il descendra sur terre pour eux. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Son cas est massif pour tous les croyants des beaux quartiers, des ghettos et des banlieues. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Pour tous les gens dans la misère, il descendra sur terre pour eux. Lève ta main si tu crois en Jallah ou en Dieu. Son cas est massif pour tous les croyants des beaux quartiers, des ghettos et des banlieues. La vie peut être si belle, pourquoi mourir contre un frère que je ne connais pas? Je ne ferai pas la guerre au nom du ciel. Les discours fanatiques ne m'intéressent pas. Ils parlent d'infidèles, mais qui sont les infidèles ici-bas? Ceux qui respectent autrui ou celui qui le tue pour sa culture et ses choix? Et voulant nuire à notre existence, sans qu'il constate une résistance. L'eau, le feu, le peuple reste à dompter. Tu te crois libre, ouvrez les yeux frère, on nous en dispense. Unifié au combat pour notre liberté, ça il faut peut-être qu'on y pense. Et là ça se défonce de père en fils, des cordes de srap se ramassent à l'appel. J'appelle à la résistance, à l'heure où les flammes font s'enfoncer. Mais seul, tous enfants de la terre, faits d'un même arbre, faits de la même matière. Enfants d'un même père, nés de la poussière, nous retournerons à l'état de poussière. Descendant de enfants de la terre.